Je suis ce mec assez cultivé, cultivant la paix auprès des autres. Prime la sagesse et prie pour les autres. Je suis ce mec toujours pris pour un autre. Confondu dans l'espace, en manque d'espace. Sa vie autant d'importance que la touche espace. Celui qui laisse toujours passer, les gens avancent devant son passé. Passe du présent au passé, comprends que t'as le pute à ce qui s'est passé. Je suis cet homme qui tue, parano, schizo, qui je suis. Mégalo ou simple rigolo. Je suis cet homme à l'image sympathique, celui qui cache la face dramatique. Je suis cet homme à multiples personnalités. Ma personne se confond entre tout le monde et personne. Je suis ce déglingué qui s'isole, marqué par la marque de la camisole, y'a pas de lol. Je suis cet enfant abandonné, je suis ce lascar qui t'entraîne en randonnée. Ce type abandonné, étant donné que je suis qui je suis dans tout ce bordel, à toi de deviner qui je suis, qui je suis. Je suis cet homme qui se masse sous son masque de marbre, à l'image d'une feuille déposée par son arme, croit pouvoir surmonter ses peines. Je suis ce bonhomme qui fusille le maille comme une arme calme. Je suis cette troupe de serbes desservie à calme. Je suis celui qui calcule tout sur son chemin. Je suis celui qui calcule personne une fois sur le chemin. Celui qui remet tout à demain, a préféré prendre la vie à deux mains. Baiser blanche neige et buter ses fils de pute de sept nains. Sur le terrain, je suis cet interlocuteur, celui qui n'agresse que le mic au cutter. Pacifiste, mais agressif dans ses paroles, qui a de la rancœur pour sa daronne. Je suis cet homme qui a le cœur lourd, genre s'étonne de ne pas brûler à la s'étonne. Je suis cet enfant abandonné, je suis ce lascar qui t'entraîne en randonnée. Ce type abandonné, étant donné que je suis qui je suis dans tout ce bordel, à toi de deviner qui je suis, qui je suis. Je suis cet enfant abandonné, je suis ce lascar qui t'entraîne en randonnée. Ce type abandonné, étant donné que je suis qui je suis dans tout ce bordel, à toi de deviner qui je suis, qui je suis. Je m'arrête là ou quoi?